Alors, comment diriez-vous, à quelle heure avez-vous fini de travailler aujourd'hui? At what time are you? Avez-vous fini? Did you stop working? At what time did you stop working? Today. Today. At what time did you finish working today? Après le verbe commencer, c'est la même chose. À quelle heure commencez-vous de travailler? At what time did you? Commencez-vous? Pas vous avez commencé. Ah, at what time do you start working? Right. At what time do you start working? Ici, on peut aussi dire What time do you start work? Après le verbe continuer aussi, continuer se dit to continue. To continue. Ils ont continué à travailler. Ils ont continué. They continued Right, they continued. working. Right, they continued working. They continued to work. Ou they continued working. Garder se traduit par to keep. Mais keep, suivi d'un verbe avec ing, veut également dire continuer à faire quelque chose dans le sens de ne pas s'arrêter, de continuer à le faire. Alors, si vous voulez dire continuer à le faire, keep. Doing it. Right, keep doing it. Au lieu de dire continue doing it, keep doing it. Éviter se dit to avoid. To avoid. Avoid, A-V-O-I-D. C'est un verbe régulier. I avoided. J'ai évité. Après ce verbe aussi, on emploie la terminaison ing. Mais on peut aussi employer l'infinitif avec le to. J'ai évité de le voir. I avoided Yes. voir seeing it. Yes, seeing it or seeing him. I avoided seeing it, seeing him. Considérer. To consider. To consider. C'est un verbe régulier. Lui aussi est suivi de la forme en ing. J'ai considéré le faire. I considered doing it. Right, I considered doing it. Si vous voulez dire j'aime le faire, j'aime bien le faire. I love. I love, j'aime beaucoup. Oh, I like. I like. Si on dit j'aime le faire avec I like, on a le choix d'employer l'infinitif ou la forme en ing. I like to do it, j'aime le faire, et j'aime l'action de le faire. I like doing it. Yes, I like doing it. C'est la même chose avec love. J'aime beaucoup le faire. I love doing it. Yes, I love to do it. Ou bien, j'aime l'action de le faire. I love doing it. C'est pareil avec j'aime mieux ou je préfère le faire. I prefer I prefer. doing it. I prefer to do it ou I prefer doing it. Avec détester, to hate, c'est la même chose. Remarquez que ça ressemble un peu au verbe français haïr, to hate. Haïr avec un H aussi, c'est pour vous aider à vous en souvenir. C'est un verbe régulier. Alors, comment dit-on j'ai détesté le faire? I hated doing it. Yes, I hated doing it. I hated to do it. Ça dépend si on veut mettre l'accent plutôt sur l'action ou pas. Apprécier se dit to appreciate. To appreciate. On l'emploie beaucoup en anglais et c'est très poli. On dit I appreciate. J'apprécie. I appreciate. Comment dit-on? J'apprécie l'action de travailler ici. I appreciate working here. Yes, I appreciate working here. Il y a une expression idiomatique qu'on emploie beaucoup en anglais. C'est to mind. Mind s'écrit M-I-N-D. On demande par exemple, Do you mind? Do you mind? C'est-à-dire, est-ce que ça vous gêne? Vous avez des objections? Do you mind? Do you mind if I smoke? Do you mind? Do you mind if I smoke? Est-ce que vous avez des objections à ce que je fume? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce qu'il y a un inconvénient? Do you mind? Mind? Do you mind est toujours suivi en anglais de la forme en ing. Par exemple, est-ce que vous avez des objections à attendre? Est-ce que ça vous gêne d'attendre? Do you mind waiting? Do you mind waiting? Yes. Je n'ai pas d'objection, il n'y a pas d'inconvénient. Ça va pour moi, ça ne me gêne pas. I don't mind. Yes, I don't mind. I don't mind. Je ne vois pas d'objection à le faire. I don't mind doing it. Right, I don't mind doing it. I don't mind doing it.